rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial This Is. Et c'est parti, coup d'envoi pour ce Planète Rap avec This Is toute la semaine entre 20 et 21. Comment ça va, This Is? Très très bien. En pleine forme. La pêche. Il y a du monde qui est là, qui s'installe autour de toi. C'est une grosse soirée. Il y a du beau monde. Non mais sérieux, je suis honoré. Eh bah écoute, tant mieux. Bah, ils sont un peu, par contre. Beaucoup. Ils parlent. Bah, ouais. Et je crois même que l'engraîneur, c'est Dave Devry. Regarde-le. Regarde-le celui-ci, comme il a oublié que l'émission avait débuté. Il se prépare. T'inquiète. Les images sont sur skyrock.fm. Le hashtag, c'est This Is sur Skyrock. On fait un petit point rapide sur ce qui s'est passé hier dans l'émission This Is. C'était chaud le live. Oh, c'était terrible le live. Non, franchement. Ah, le live, c'est. Tu n'es que musicien, pas pour rien. Tu veux un bout ou pas d'ailleurs de Vas-y, live mets un bout. C'était hier soir dans l'émission, ça. On est prêt? On est toujours prêt, on est né prêt. Allez, coup d'envoi du live maintenant, This Is. C'est sur Skyrock. On va faire du pop. Écoute-moi dans rien à steak, ces fils de lâche. Si tu viens pas d'un tiex, tu capes pas ce qui s'y passe. Les frères font du cash avec ces choses qu'ils cachent, ces choses qu'ils stockent, qu'ils gardent et qu'ils amassent. Les superposés petits frères en pyjama dorment sur un paquet de save, le pauvre fait des cauchemars. Sa mère se doute de rien, c'est dehors qu'elle fait le ménage. Personne comprend rien parce que personne lui dans ton crâne. Ça c'était une performance. Mais y a toujours quelqu'un pour te dire non. Tu contrôles. Faut que les problèmes en live. Tu te rends compte? Même toi, c'était une performance. Parce que t'as. Pour les effets et tout, c'était fantastique. Merci. Oh! Translucide. J'ai un gros cardio. Mon peurin, c'est du tort boyau. Jusqu'ici, je le mouillais maintenant. Faut savoir que chaque élément que vous entendez est joué par mes musiciens derrière. C'est ça qui est fort. Ça, c'était le live d'hier. Et ce soir, on va remettre ça aussi. Eh oui! Il y avait ça. Cœur gangster. Ah, hier soir, c'était cadeau. Hein. T'as vu, c'était gros peurin quand même. Mon cœur n'a jamais fui. Disque ici, c'est déjà l'enfer. Mais dis-moi, est-ce que t'es cuit? Et ça fait cœur gangster. Cœur gangster. Cœur gangster. Cœur gangster. Voilà un petit aperçu du live d'hier soir avec This Is. Si vous avez loupé hier soir, pas grave. On peut le réécouter où? Parce que même moi, j'aimerais bien le réécouter. Eh ben, on peut le réécouter et mater les images sur skyrock.fm. D'accord. Sur le planetrap.skyrock.com, c'est le skyblock de l'émission. Donc, allez faire un tour, allez cliquer dessus. Il y a le live en intégralité. Okay. Avec ta grosse performance hier, c'était vraiment bien. Ok, cool. C'était très très bien de débuter. Bah, ce soir, la barre est haute. Ouais, bah t'inquiète pas. On a amené des missiles nucléaires. Et bon, on va les présenter dans un instant. Sinon, hier dans l'émission, donc on a découvert évidemment le morceau Complexité française en version longue, extrait de l'album Translucide. Il y avait une question sur ton pseudo utilisé par toi sur les réseaux sociaux. C'est ça. La bonne réponse était d6.fr. Hier, il y en a un qui est reparti avec un album dédicacé. Ce sera le cas encore ce soir avec une autre question. On a fait un récap de ta discographie. D'ailleurs, hier dans l'émission. Oui, c'est vrai. J'espère qu'on a retracé un peu toute ma carrière. Parce que la question va être en rapport à cette discographie d'ici. Ce sera dans un instant, tu nous la poseras. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on fait? On présente les invités, on met le morceau d'abord Kamikaze. Mettons le morceau Kamikaze. Et après, on présente les invités. Un peu de teasing. Un peu de teasing. Et je peux vous dire que c'est du lourd, les invités. Ouais. Ne bougez pas, c'est le Planète Rap spécial d'ici. Et le morceau s'appelle Kamikaze maintenant. Je pense qu'à la fin de ce morceau, ce sera du grand n'importe quoi. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser, te faut un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, couplet. Tu dis que ton patron, c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais pas. Ce qu'ils te cachent, c'est que ses supérieurs lui font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot, donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine, tu contiens ta haine comme un kamikaze. Tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça, tu veux pas danser? Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Enfin. Saute pas. Doucement. Saute pas. Eh hey. Saute pas. Du calme, les gars. Non. Saute pas. Non. Là, tu sautes pas. Là. Saute pas. Tu sautes pas. 1. Couplet. T'as envie de te barrer comme un haut danois. Tu veux prendre un billet pour Yokohama. Mais t'hésites depuis Fukushima. T'as pris trop de temps, du coup tu restes chez toi. Comme au McDo, tu veux pas lâcher le steak. Tu t'accroches à ton taf, tu t'accroches à ton chef. On est des kamikazes. On est tous givrés. On saute en concert pour pas le faire en vrai. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Refrain. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça t'as pas envie de danser? Et mon cul c'est du KFC. Hein? Mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC. Je suis un peu zinzin. Narbi, Narbi. Narbi, Narbi. Narbi, Narbi. Je suis un peu zinzin. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec This Is, notre invité toute la semaine, et ce morceau donc qui s'appelle Kamikaze. Kamikaze. Qu'on écoutait, qui est extrait de Translucide. C'est ça. Un album déjà dans les bacs, avant de te retrouver aussi demain soir sur la scène du Bataclan. Exactement. Mais c'est blindé. Demain, ouais, c'est complet, c'est trop tard. On peut trop plus. Tard. Même dommage. Par la porte de derrière, on peut rien faire. Non, c'est fini. C'est fini, c'est mort. Sinon, faut aller à Lille. Ouais. Le 27 mars. C'est dans 9 jours. C'est la date d'après. Mmh. Bah, ça va, Lille, c'est à une heure de route. Bah, c'est vite. De train, pardon. Pas une heure de route. Une heure de train. Une heure de train, vite fait. Ouais. Direction moi, Lille. Tu fais Évry-Paris, c'est une heure de train. Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi pas aller voir d'ici du côté de Lille. Bah oui. C'est le 27 mars et 28, t'es au Havre. C'est ça. Pareil, c'est quoi, 2 heures de train, le Havre? Là, tu m'en demandes un petit peu trop. Je sais pas. Enfin, le Havre, je un sais bon aussi. Un bon petit 2 heures, ouais. Ouais, mais je sais pas s'il y a des accès directs comme pour Lille. Bon, bah, allez le voir à Lille, comme ça, c'est. Ouais, et puis voilà. Sauf si vous êtes du côté du Havre. Guy. This is le 28 mars. Je crois que tes invités s'impatientent. D'ici, je crois qu'il est grand temps de les présenter. Ah, oh, on s'impatiente. Alors. Le truc est relax, là, très tranquille. Il y a. Yo, merci, big up. Il y a Danny Dan et All Carry. Voilà. Bravo! Et il y a Savant des Rimes. Bravo! Bravo! Félicitations, super! Et surtout, demain, on est au Bataclan. Exactement. Alors, régulier. Ah bah, si tu voulais faire la surprise, c'est grillé, Dany. Non, je sais bien. Non, mais pourquoi? De quoi tu parles? Ils viennent au concert. Ah, ils viennent au concert. Tu crois que. Ah, je pensais que vous étiez sur scène aussi. Bah, peut-être ça, je sais pas. Il y a les idées mal placées. On sait pas. Qui sait? Qui sait? Alors, un petit mot sur chacun d'ici. Tu commences par qui? Bon, alors, Savant des Rimes, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a, on va dire, 6 ou 7 ans. Ouais. Sur une mixtape. Et on a très vite dépassé le contexte du rap pour devenir des potes et puis des amis. Tu l'avais déjà d'ailleurs invité dans ton Planète Rap. Exactement. C'est un mec qui a un skills en rap qui est très très très très fort. Et voilà, ça fait partie du rap que j'aime bien, qui kick. Et du rap avec la dextérité, c'est ce que j'aime. Donc voilà, et puis. Savant des Rimes, donc dès là, bienvenue. Voilà, mais après, franchement, je vais ni présenter All Carry ni Danny Dan, parce que voilà, c'est bon, juste des. Alors moi, je vais le faire. Bah voilà, moi je peux. Avec, ils sont trop forts. Avec All Carry qui est là. Oui, je d'un frère. Donc ça va, en forme. Tu joues avec Jeep. On est all. Un autre représentant du 9-1. Un contre 18. Exact. Barbe blanche. On gagne. Et en plus, vous, l'histoire All Carry d'ici, elle est longue. Ouais, on était signé dans le même label. Dans le même label, il y avait Nouvelle Donne à l'époque, à l'origine. Ouais. On est du même périmètre, Évry Courcouronnes aussi. C'est ça. On est passionné, pareil. Il y a eu des discordes, il y a eu des réconciliations. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, j'ai beaucoup plus de points communs avec All Carry que de divergences, en fait. Exact. Donc, au final. Exact. Et même si parfois il y a eu des petites broutilles, des petits trucs. Ouais, forcément. Mais c'est rien. Ça, c'est le. Tu veux que je fasse le prof tout de suite? J'ai le droit ou pas? Vas-y, fais un petit coup de prof. C'est le déterminisme social, vois-tu. Quand tu viens d'un endroit, tu es le fruit de ton environnement. Et la force de ce disque, de mon disque, c'est d'arriver à se sortir de ce cycle infernal. Oh, comment je suis. J'ai kiffé ce que j'ai dit là. Oh. Tu devrais noter. On te reconnaît bien. Non, mais sérieux. C'est un début de morceau presque. Non, mais c'est vrai. Et vraiment, je suis très honoré d'avoir Freddy avec moi. Donc, Hulk Henry ce soir. Moi, je suis content d'être là. Sincèrement. Evry représente. Voilà. Il n'y a pas de soucis, mon frère. Voilà, c'est exactement ça. Bon, quand vous vous croisez, vous faites quand même des petits trucs. Oh, tu te souviens, machin. Rien de négatif. Pas dans le négatif, mais tu te souviens des trucs qu'on a fait. Non, avant, mais justement, machin. J'aurais bien aimé avoir beaucoup plus de discussions avec lui sur le Peura qu'on a kiffé en même temps. C'est vrai, je sais que c'est un ouf de Redman, d'IPMD, de tout ça, tu vois. Et on n'a jamais eu trop l'occasion de parler de Peura, en fait. Mais t'inquiète, on va se rattraper. Ouais, et on va faire des titres. Une histoire de taille. Exactement. Il s'agit que de ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, Danny Dan, pareil, petite présentation aussi rapide. Sage poète de la rue. Ah, moi-même, sage poète de la rue. Les bases du rap français à la régulière. Et d'ailleurs, il paraît que tous les deux, Hulk Henry et Danny Dan, c'est reparti d'ailleurs. Ouais, il y a une nouvelle aventure. Non, mais tu te rends compte les exclus qu'on t'amène à Fred là? Le truc est simple. C'est un truc de ouf. Le truc est simple. Ils refont un album de dingue. Moi, j'ai entendu des trucs. Ben, c'est ça, Dealer. Non, mais je rigole pas. C'est ce que j'étais en train de leur dire. Ça tombe pile au bon moment. Pile poil. Mais oui, parce qu'ils font un album de Peura, mais tellement authentique. Et c'est pour quand alors? Messieurs, c'est pour quand? C'est pour le 12 mai. 12 mai 2000. Ah oui, ça va aller vite. On a balancé un morceau déjà, Déglingos. Déglingos. Le premier morceau s'appelle Déglingos. Premier single. Demain, on renvoie une petite vidéo, un petit module freestyle à la méthode. Et puis voilà, on enchaîne les bails. La régulière, tu sais, genre hip-hop. Bon, et bah, bienvenue. Il y a déjà un clip dispo là. Oui, celui-là. Déglingos, mon frère. Et c'est Johan Dorlipo qui a fait le clip, celui qui travaille beaucoup et qui a fait beaucoup de mes clips aussi. De tes clips aussi. Dave Delory à la prod. Tout à fait. Johan qui est là, effectivement. Un clip en noir et blanc qui est trop fort. Bon, ben, ce qui va venir, c'est le live de tout à l'heure avec vous, messieurs. On va kicker un peu. Puisqu'il y a aussi du renfort qui est arrivé derrière toi. Oui, on va kicker un petit freestyle à la régulière. C'est ça. J'aimerais vous présenter aussi un groupe que j'ai vraiment kiffé ces derniers temps, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, c'est Révolution Urbaine. Et est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on nos amis on va mettre un petit son et puis on présente un peu tout le monde. Ok, c'est parti. Nos amis Marseillais Révolution Urbaine. Alors, est-ce qu'on met le morceau qui a été plébiscité sur les réseaux sociaux de Skyrock? Ouais. C'est le morceau qui s'appelle MC Kissinger. Ok, c'est parti. Tu veux dire un mot sur celui-ci? Ouais. Ça marche pendant que je cale, en fait. Alors, le seul mot que j'ai à dire, c'est que je suis content parce que j'ai samplé la voix de Finkielkraut. Et ça, franchement, c'était un petit plaisir perso. Et en fait, non, juste le morceau, il est venu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, j'avais fait un morceau qui s'appelait Inspecteur DC's. Dans Inspecteur DC's, je prenais des rappeurs que je mettais dans la peau d'hommes politiques. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai pris des personnalités politiques que j'ai mis dans la peau de rappeurs. On voit ce que ça donne maintenant. C'est parti. Ces colons africains n'est pas assez entré dans l'histoire. Oh là là là là, comment il parle mal. Comment il clash, on dirait un rappeur sérieux. Petit bourgeoisie qui boit du champagne, c'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm a crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. Petit bourgeoisie qui boit du champagne. Petit bourgeoisie qui boit du champagne. Petit bourgeoisie qui boit du champagne. Moi c'est MC Kissinger, nique ta race, kiss my ass. MC tu me singes, qu'est-ce qui se passe? Tu kiffes mon ice, tu kiffes ma life. Mais est-ce que t'es prêt à faire des trucs de diable? Je te parle pas de braquer des banques, vendre de la drogue ou de faire du cash. Non, je te parle de faire du lourd, des attentats, des coups d'état avec beaucoup d'humour. On montrera quelqu'un du doigt, on aura l'embarras du choix. En ce moment c'est les musulmans, bientôt ce sera les noirs, chez plus tard ce sera les noirs. Mon pote c'est MC Jacques Foccart, fuck l'Afrique et tous les négros. Toujours un qui veut être roi, franchement c'est très drôle. Ces MC de merde me font doucement rigoler. Hardcore mon cul, vous n'êtes bon qu'à consommer. Je te vois dans mon microscope, quelle est bonne la pilule bleue. Lamborghini Veneno, non tu peux faire encore mieux. Manto, Valentino ou Alexander Wang. Fais pas les plombs comme Galliano, sinon on va te bouteille. La classe à l'américaine, on a la French Connection. Beaucoup de vos présidents sont nos manettes PlayStation. Dédicace à MC BHL, je crois que je vais me faire une chaîne avec son visage en or, ce sera mon Jesus Peace. Yeah. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Et c'est vous. Ah. Fuck toutes les banlieues et fuck les campagnes. Ah, c'est vous. Voilà, morceau court hein, de l'album celui-ci. Ouais. MC Kissinger. Voilà. Voilà, inspiré par l'actualité aussi. Ouais, comme d'habitude, j'aime comme bien. Comme d'habitude. Mais c'est traité avec légèreté, vois-tu, avec du triple, du quadruple degré. À la This Is. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. C'est ma marque de fabrique. C'est la marque de fabrique de This Is que vous retrouvez sur l'album Translucide avec 17 morceaux. Bon, je compte les interludes et tout, mais. Il y a 15 titres. Bien remplis. Ouais, c'est bien ça. Fourni. Mais on retrouve du This Is de Poisson Rouge, du This Is de This Isienne, du This Is même un peu de Peter Punk. Voilà, c'est une synthèse sur tout ça. Et tout ça, c'est sur l'album Translucide. C'est ça. Translucide entre 20 et 21. On présentait donc, il y a Savon des Rimes qui est là. Voilà. Hall Quinry. Ouais. Danny Dan. Et derrière toi, il y a Révolution Urbaine. Venez les gars, venez au micro parce que sûrement on va vous demander de parler, bien évidemment. Je t'explique. Au moins un des membres. Alors, un petit mot, pourquoi Révolution Urbaine? Il y a un mois, j'allume ma radio et j'entends un titre de ouf. Et je shazam. Je shazam, tu vois. Et le shazam me dit, c'est un titre qui s'appelle La Provence. La Provence. Qui est fait par un titre qui s'appelle Révolution Urbaine. Je cherche, je me dis, ah, c'est quoi, c'est Marseille, Tu connaissais pas avant ce qui est. Non, je connaissais pas avant. Et j'apprends qu'il travaille avec, avec Matteo, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui travaille avec Sopra et tout. Donc, on se connaît évidemment très bien et tout. Donc, j'appelle Matteo, je dis, mais c'est quoi ces gars-là et tout, c'est trop fort et tout, j'aimerais bien les rencontrer. Et comme par hasard, ça tombait un moment où je faisais un concert à Marseille. Et donc, je les ai rencontrés, ils m'ont fait écouter leur album. C'est juste un truc de dingue, mais vraiment, vraiment. Et juste avant, j'avais vu un documentaire sur Canal+, qui parlait de tout ce qui se passe un peu à Marseille. Ouais. Un documentaire qui s'appelle Marseille Gangster. Et j'étais vraiment très, très, très touché par, par ce qui se passe là-bas, les tueries, tout ce qui arrive. Et en fait, eux, ils ont réussi à mettre des mots sur ça. Et c'est pas des mots de journaliste, c'est pas des mots d'écrivain, c'est des mots de mecs qui vivent là-bas et qui l'expriment avec poésie. Et c'est extrêmement fort. Et ce titre-là, La Provence, ouais, La Provence est extrêmement fort. Ouais, c'est un très gros morceau. Et, les autres titres de l'album, ils sont extrêmement forts aussi. Donc je voulais profiter de ce Planet Rap pour amener des gens que j'aime bien. Dealer. Voilà. Dealer. Mais allez-y, parlez les gars. Allez. Alors Révolution Urbaine. Bonsoir Fred. Ça va? Ça va ou quoi? En forme? 8 ans après, toujours là. Est-ce que tu m'entends? T'arrives à m'entendre? Je t'entends pas. Voilà, parce que il faut expliquer, je suis de l'autre côté de la vitre en fait. Maintenant je viens plus dans le studio Planet Rap, je vous laisse faire entre vous. Je suis à l'isolement, je suis en quarantaine. Bon, ça va? Ça va, tranquille. Comment va l'équipe tranquille. De Révolution Urbaine? Ça va, au calme, au calme. Comment va Marseille? Ben, il fait très beau, donc on est super détendu comme d'habitude. Comme d'habitude. Il y a donc un gros projet a priori, la This Is nous a parlé du projet. C'est ça. Ça s'appelle Cheval de Troie. Ça arrive le 5 mai dans les bacs. Et normalement, on aura un Planet Rap le 28 avril pour c'est le ça. Présenter. C'est ça, on pourra présenter et découvrir Révolution Urbaine. Du 28 au 2. Qu'on suit depuis un bon petit moment. Vous connaissiez évidemment This Is. Oui, vous connaissez This Is. Il fait partie des références de ce que vous écoutiez ou... Oui, normalement. Quand on était jeunes, on a tous écouté Je pète les plombs. Donc, tu vois. On a tous pété les plombs. Ça ne fait pas bizarre quand on dit ça, This Is, quand j'étais jeune? Non, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est ce que je faisais moi aussi avec NTM, avec Alarm et tout. Il y a une espèce de transmission là-dedans. Solar, Ministère Amer et tout, tu vois. Donc c'est cool. Et la Provence, ouais, c'est intéressant ce que disait DC. C'est vrai que c'est un morceau, on peut le voir, on peut aller l'écouter, mater aussi les images de la Provence. Sur YouTube. Sur YouTube. Et c'est tout à fait ça. C'est voilà les mots sur Marseille, sur ce qui se passe en ce moment. Ah ouais, c'est avec fou, parfois aussi pas mal de. Alors pas des informations, mais. Voilà, information spectacle où il faut il y a plein de fantasmes et de où il faut en faire des tonnes. Et c'est vrai que vous le résumez assez bien dans merci, ce morceau. Merci. Et d'où le nom La Provence, qui est le quotidien, voilà. Marseille. En plus, ce qui est fort sur l'album, c'est qu'il n'y a pas que ça. Tu vois, il n'y a pas que ce genre de son. Il y a aussi d'autres sons qui parlent d'une certaine réalité, une certaine vision de la jeunesse et tout. Vraiment, c'est un beau disque. Donc voilà, s'il y a trois projets que moi j'attends, vraiment, vraiment, vraiment pour de vrai, c'est l'album de Révolution Urbaine. Donc l'album 5 mai. De Hall Quinry et Danny Dan. 12 mai. Et le prochain EP de Savon des Rimes. Qui est pour le. On y travaille. Qui est pour le courant de l'année 2014. Voilà. Voilà. Bah, Révolution Urbaine, du live avec Révolution Urbaine tout à l'heure aussi ou pas? Bah, bien sûr. Yes. Aucun, tranquille. Ça va, l'équipe marseillaise, je vois que vous êtes venu en nombre, hein, comme d'hab. On est venu avec la CBR Click. La CBR Click, 19ème Cambré, Maguette. Et Machiavel et La Mèche qui n'ont pas pu être là avec nous. Grosse dédicace à eux. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je suis en isolement. On parle de foot ou pas? Non. Arrêtez. Excellente soirée, merci. On va pas parler de foot. Dès qu'il y a des Marseillais, vous voulez parler de foot. Bah là, c'est tellement bon, ils nous ont tellement mis dans la tête. Attends, qu'on peut en profiter un petit peu. Combien de fois, moi, ces gars-là, je les voyais, enfin, eux ou leur équipe. Et j'en connais quelques-uns, je ne donnerai pas nom de Jamal. De leur équipe, si tu veux, où ils m'ont tellement mis dans la tête. Toi, d'ici, tu t'en fous, t'es pas sport. Moi, j'aime. Non, mais pour de vrai, j'aime le jeu. Moi, j'aime voir des buts, j'aime voir des. Oui, toi, je t'ai connu à un moment un coup marseillais, un coup PSG. Jamais de la vie. Alors là, moi, j'ai jamais. Non, j'ai jamais. J'ai jamais acheté un maillot du PSG ou un maillot. Mais je dis pas ça, mais genre, à un moment, je me souviens. Non, faux. Je te jure, j'ai jamais été fan de. C'est la désinformation que j'ai fait. Ah non, mais je te jure que c'est vrai. Et attention, je pourrais vous faire un procès pour diffamation. Pour diffamation. Attention. Non, non, vraiment, pour de vrai, j'ai jamais été un ouf de. J'aime bien les beaux jeux et en plus, c'est un sport d'équipe, mais je préfère les individualités dans le foot. Tu vois, un mec comme Cantona, par exemple, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien, tu vois. Ah ouais. Tu vois, je préfère lui que Gino, là, tu vois. C'est pas pareil, tu vois. Ils vont être d'accord avec toi. Ouais. Ils vont forcément être d'accord avec toi. Mais c'est vrai. Bon après, allez, on évite certains sujets, on va pas parler foot. Donc, album à retenir le 5 mai, Révolution c'est Urbaine. C'est un cheval de Troie le 5 mai dans on les On découvrira bacs. Dans Planète Rap pour une semaine spéciale entre 20h et 21h. Et il y a un prochain morceau qui va sortir d'ici peu avec Soprano qui s'appelle Génération No Life. Donc, bientôt on l'envoie. Normalement, c'est prévu pour le 10 avril. Ça va venir vite. Un peu moins d'un mois maintenant. Voilà. Vous restez dans le coin de toute façon, à Palou. On est là. Et on va revenir avec quel morceau d'ici. Qu'est-ce qu'on va mettre dans quelques minutes? Eh bien, nous allons mettre, je ne sais pas. Mm-hmm. Tu me prends au dépourvu. On peut remettre Complexité française. Ok. Non. Faisons ça. Version. Faisons ça. C'est très bien. Version courte. Ah, plus courte. Tu peux? Moi, je fais tout. Bah voilà. Version courte. Il y a une version édite qui existe de ce morceau qui fait 6 minutes. On l'a passé hier en intégralité. Ça, c'est la version longue de l'album et la version édite a fait 3 minutes. Mais elle garde l'intensité du morceau. Exactement. Bon, bah bougez pas, vous pourrez découvrir. On se garde du temps pour bien parler, terrible. Bien rapper. Et bah ne bougez pas, la suite dans un instant du Planète Rap spécial d'ici. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec This Is, notre invité entre 20h et 21h. This Is, Savant des Rimes, et là aussi, Olkinri, Danny Dan, la Révolution Urbaine. Ils ont fait le trajet de Marseille pour venir ici dans le studio à l'invitation de This Is. Il y aura donc du live tout à l'heure à pas louper. Exactement. Dans Planète Rap entre 20 et 21. On va écouter un morceau, on l'avait promis juste avant la pub. Ouais. Un morceau qui s'appelle Complexité française, ouais. C'est ça. Une version qu'on va découvrir et qui est aussi extrait de l'album Translucide. Et il y a le clip sur internet. Et on peut aller cliquer. Voilà. C'est parti. Sur mes papiers, il y a écrit français. Mais au quotidien, c'est pas tout à fait vrai. Si j'ai un banlieusard ou un citadin, un provincial ou un parisien. Adolescent pendant les cours, j'évitais les guet-apens. En vacances à Tours, je faisais du cheval chez ma tante. Enfant parfois, je vais dans le sud de la France. Chez une autre tante, je spécifie qu'elle était blanche. Et quand j'y repense, je faisais tâche sur la plage. J'avais le regard des connards, je captais que dalle à cet âge. Et puis Noël en famille dans la plate Picardie. Les yeux qui brillent, le cœur en tachycardie. Les fêtes finies, je retourne à Évry. Train de nuit, rabat, garde, drague, défile. Les cousins et les cousines, les frères du quartier. Les repas en famille, les nuits blanches à la cité. Plus tard, l'Afrique, à chaque fin d'été. Mon identité est non identifiée, hein. Je bois pas de pinard, j'aime le fromage. Je suis à moitié français. Je kiffe plus les bouquins que la bagarre. Je suis un mec de quartier. J'aime Mohamed, Moïse et Jésus. Ça je devrais l'aimer. Je vais pas me faire plus français que je le suis déjà. Je vais pas m'assimiler. Regarde chelou parce que je vois pas. C'est comme si je te regardais chelou parce que tu crois pas. Ou que tu portes une croix ou une kippa. Tu veux pas que je force le trait, ne me nie pas. Dans le beau pays de François Pays-Bas. Ce vieux pays qui ne vieillit pas. Regarde ta jeunesse dans les yeux. cette jeunesse ne baisse plus les yeux. Et je suis ce que je veux, où je veux, quand je veux. Personne ne me définit, ni vous, ni eux. Campagne, ville, Afrique, chaque solstice d'été. Mon identité est non identifiée. Sur des dizaines de diapos, je suis bien plus qu'un papier, bien plus qu'un drapeau. Si t'es certain de ce que t'es, je te tire mon chapeau. Je me suis échappé de tous vos ghettos. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec This Is, notre invité entre 20 et 21, extrait de l'album Translucide, le morceau à l'instant Complexité Française. Je sais que tu l'aimes bien, Steve. J'adore ce morceau, mais il y en a plein d'autres que j'adore. Merci, sur merci. Cet album. Merci. Il y a un morceau qui s'appelle Miskine. C'est ça. Voilà. Il y a Spirale. Il y a Khadija. Khadija, ouais, c'est joli. Ah, j'espère qu'on pourra le passer dans la semaine. Hein. Bah, demain peut-être. Bah, dites-nous d'ailleurs quels sont vos morceaux préférés de l'album. Vous allez sur les pages de Skyrock un peu partout, sur les réseaux sociaux, et vous nous dites vos morceaux préférés. Morceaux, tout à l'heure, on a eu le droit, hein, le morceau qui a été demandé, c'était MC Kissinger. On l'a passé ce soir, donc demain peut-être Khadija. Exact. Ou peut-être Miskine, ou peut-être autre chose. Ou peut-être un invité surprise. Ou peut-être un invité surprise. Qui sait? Qui sait? Restez bien à l'écoute dans Planète Rap. Entre 20 et 21 ce soir, on est gâté. Savant des Rimes qui a été coté, qui sortira un projet. Vous passez ensemble, c'est ça, si j'ai bien compris? Bah, on est un peu tout le temps ensemble. Enfin, là, ces derniers temps, j'étais un peu trop, très occupé. Mais on se suit de loin, on prend des nouvelles, tout ça, et voilà. Et on ne se perd pas de vue. Voilà. Et ben ça tombe bien, donc Savant des Rimes, un projet en... C'est quoi ton site déjà? En de l'année 2014. www.savantdesrimes.com. Ok, Savant sans S. Hein. Savant des Rimes. SAVANTDESRIMES. Voilà, tout simplement, le Savant des Rimes, il est là. C'est un beau site bien fait et tout, c'est cool. Olkari et Danny Dan se reforment, je crois qu'ils sont partis même faire un morceau d'ailleurs tout de suite, ils tellement inspirés. C'est ça. Ils sont partis faire l'album. Tout de suite, il y a la révolution urbaine et par téléphone, je te présente quelqu'un de Bordeaux, c'est monsieur Perrault. Allô, allô. Salut les gars, salut. Salut Perrault. Ça va bien Perrault? Ça va, nickel, nickel, nickel. Content d'avoir été pris. Et ben voilà, c'est toi qui viens rapper ce soir dans l'émission. Yes, c'est on cool. Y va? Ok, bon, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Ok. Je mets un O, à chercher un D. Ok. Je prends le monde de haut parce qu'il est tombé bien bas. Ils partent tous d'euros alors qu'ils en ont même pas. C'est con comme rêver de l'auto alors que tu ne joues pas. Win des gains de bobo avec un phrase et Kaira. Contradiction totale comme un camé contre la zep. Comme un fumeur qui te dit j'arrête en ouvrant son paquet de cigarettes. Un cigarette, tout avant que ça retombe sur ta tête. On maille compète, touche la dynamite et l'allumette. J'allume le son et je mets le faya dans la foule. La vie un fleuve tranquille, pourtant je suis bloqué dans la houle. Lyrica, le coup de boule avec le crâne de le banner. Le rap à son coup de mou. Je suis le défibrillateur. On parle de tout, on parle de rien sur des beats bien lourds. Je passe en caravane, j'entends les chiens, mais bon, je fais le sourd. On fait nos dièses en secret, on tape sur quelques connexions. Peu parle sur notre équipe, on rajoute ta tête à notre collection. Nos limites, c'est l'attitude. Mon tête 3, c'est la mixtape. Paraît que la concurrence est rude. Moi, je la vote sur internet. Une surdose d'autotune avec des lyrics de minette. Je veux le sommet avec ou sans thune, je suis prêt à te marcher sur la tête. Ouais. Ok. Perrault, bravo à toi Perrault. Merci, merci beaucoup, c'est cool. Ouais voilà. Est-ce que tu as vu D6 déjà sur scène? T'étais du côté de Bordeaux là, non? Bah écoute, je l'ai vu à Bordeaux, d'ailleurs on s'est croisé, j'ai le graffeur de mon asso qui lui a fait un tableau, qui lui a remis. Oh là là, hey, il m'a fait un truc de ouf. Non mais sérieux, son pote là, il m'a fait un. Mais c'est trop beau. Faudrait que je vais peut-être le ramener. Vendredi. Vendredi. Ouais. Ok. Parce que je vais la ramener pour le faire une soirée expo. Ah non, mais c'est trop trop beau ce qu'il m'a fait ton pote. Vraiment. Pour lui, je lui ferai passer le mot. Ah non, mais il doit être en train de kiffer. Mais c'est quoi son nom, comme ça on lui fait un peu de promo. Il a pas un Twitter ou un Instagram, you know. Non. Alors après, moi je conseille d'aller donc sur le site hh1d.com. Ah oui, hh1d.com. Ok. Donc on a les galeries avec les morceaux, les galeries des photos, tableaux, tout ça. Il est fort. Et pour ma part, donc moi j'ai le Facebook avec mes actus, donc c'est PRO33 en majuscule. Okay. Et la page YouTube, donc PRO33 officiel. Ok, ok, on ira suivre ça. Okay, okay. Trouver tout ça. Et juste un petit message, je suis en pleine préparation d'un EP. Et je suis en recherche de prod, donc s'il y a des beatmakers qui sont à l'écoute, vous pouvez envoyer des liens sur mon Facebook ou sur ma page YouTube. Eh ben le message est bien passé. Bah bon courage pour la suite en tout cas, PRO. Merci beaucoup. Ciao. Et passe une belle soirée du côté de Bordeaux entre 20 et 21, c'est This Is avec Savant des Rimes, avec la révolution urbaine. Est-ce que tu peux rassembler tout le monde puisqu'on va ouais, déjà attaquer le live maintenant. Danny Dan. Des musiciens qu'on a perdu aussi. Il y avait Yannis Sainté qui est dans le coin, Dave Devry, Manu Dias. On va commencer par un petit titre de l'album qui s'appelle King of Cool. Donc on va faire une version live, tu vois, pour vous. Pour toi, Fred. Oh bah c'est sympa. Et puis après on enchaîne avec le freestyle avec tout le monde. Tout le monde okay est prêt. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors on voit, on attend. Pendant je crois que Denis s'intéresse un peu à la bourre. Pendant ce temps-là, je meuble comme Ikea. Oh, oh, blague. Non, on appelle ça une punchline ratée. Ah, non, elle était pas. Moi, je la mettrais dans un morceau. Hein, j'entends je meuble comme Ikea. J'ai entendu pire parfois. Non. Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est pas mal quand même. Franchement, tu l'aurais pas mis dans un texte, Dani. Je meuble comme Ikea. Non. Ah, attends, voilà, tu vois. Non, je faut demander vraiment Dani, à ceux qui savent. Mets-toi bien. Non, là, tu prends le micro par l'autre côté. Voilà, un truc comme ça, ouais, je le prends par l'autre côté. Ouais, non, je l'aurais jamais fait, mais c'est pas grave, c'est cool. Mais je l'ai pas fait, hein. Attention, Dani. Non, c'était un test. C'était juste pour essayer. Pour meubler. Quoi, mais je l'aurais jamais mis dans un texte. C'était pour meubler. Attends, je meuble comme Ikea, quand même. Ouais, pour meubler, je passe quand même un bonjour à ma Dream Team de Centre-Appel, quand même. Et pour meubler, il n'y a rien de mieux que le morceau dont tu parlais là, Quatennens. King of Cool. Vas-y. King of Cool. Faire maintenant. Ah, c'est parti. C'est parti. Par contre, mets-toi une horloge, Dani. Mets-toi un canapé. C'est bon pour toi? Allez, okay. C'est bon. Alors, c'est coup d'envoi maintenant. Là. C'est bon pour toi, Dani. Après, comme ça, vous. Ah oui, fais-nous un petit sax. Voyez-vous, j'ai une théorie. Je pense que tout le monde est le roi de quelque chose. Il y en a qui sont le roi du clavier, d'autres qui sont le roi de la batterie. J'ai la prétention d'être le king of cool. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va? Très bien. Ben, c'est un peu prétentieux, mais en tant que rappeur, j'ai le droit ou pas? Tout à fait. N'est-ce pas? On est là aussi pour se la raconter. T'es cool, quoi. N'est-ce pas? Attends, tu rigoles. Un. Je suis cool sans le faire exprès, je suis né avec du lustre, grosse touffe, photo classe, la classe, regarde hustle, trop court, et le pantalon est faux, et le Lacoste, ça se voit, mais je suis mignon, goddamn, j'ai déjà la cote, métis, Paris, Dakar, je suis un coupé sénégalais, MC, eh oh, on t'a loupé ton dégradé, en plus t'es off beat, tous tes couplets sont décalés, tu devrais changer de zik, faire du coup. Décalé, je fais golerie mes filles, danse avec ma darling, c'est pour les mundélés, les mundibou, les dingari, oh, à l'aise comme un poisson dans le flou, frère, je nage dans le vrai, tu te noies dans le fou, les haines se prennent plus devant qu'un rabatteur de château d'eau, que je rappe mal, c'est rare, comme Alpha One sans sac à dos, que je rappe bof, les cul-de-jatte font-ils des cacatos, vous rappez bien, merci, je reprendrai un macchiato, oh oui, qu'est-ce que je rappe bien, oh oui, qu'est-ce que je kick bien. Oui, qu'est-ce que je suis cool. J'attends la réaction de mecs cool dans la foule. Oh oui, qu'est-ce que je rappe bien. Oh oui, qu'est-ce que je kick bien. Oh oui, qu'est-ce que je suis cool. J'attends la réaction des meufs cool dans la foule. Dis bye bye à tous tes fonds qui manquent. Tes nas baboons qui jouent les gurrieuses, les singes, les conquis qui marchent à 12. Dans le rap je marche en terrain conquis. C'est ma pelouse, trop d'M6 se disent artistes incompris. C'est juste des losers. C'est pour mes whites, c'est mes niggas, mes rebeuses et mes yellows. D'ici c'est le meilleur, point rouge, te mets en veilleuse. M'envoie pas de prod en me disant elle est folle. La seule chose que tu composes, c'est des numes de téléphone. Faut que tu muscles ton jeu, Gérard. Mets l'effort, fais l'effort. Les mous jouent les durs et les faibles font l'effort. La foule elle pousse vers le haut, j'ai l'index vers la maison mère. Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, la mec, j'en suis fier. J'ai l'anneau à l'annulaire pour toutes sortes de haineux. J'aurai toujours le majeur en l'air. Tu me reçois 5 sur 5, je t'ai fait les 5 doigts de la main. D-I-S-I-Z, je suis pas manchot, à demain. Oh, oh oui, qu'est-ce que je rappe bien. Oh oui, qu'est-ce que je kick bien. Oh oui, qu'est-ce que je... suis cool. J'attends la réaction des mecs cool dans la foule. Et je connais des thugs, beaucoup plus thugs que le plus thug de tes copains. Ah, qu'est-ce que je rap bien. Dédicace à Danny, All Carry, Savant des rimes, révolution urbaine, y'a que du bon pera ici, y'a que du gros niveau ici, y'a que du flow ici, ok. Dédicace à Danny, Synthé, Manu Dien, c'est Dave Devry, translucide dans les bacs, ok, ok, qu'est-ce que je rappe bien. Oui, ok, enchaînons avec ce. Enchaînons avec ce freestyle fou. Dealer, dealer, dealer. Ok, ok. All car et Danny Dan. Oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah, ah, ah. Sérieux? Ah, ah, ah, ah, ah. T'es sérieux là? Ah, ah, ah, ah, ah. Ok, Danny. Danny. Yeah. Ok, on se la fait à la méthode. Le délire est sombre, c'est dans le script. Donc, comme le comte de la crypte. Dan, vous connaissez l'homme. Je suis un peu comme une grue. Super fin, super plat. Long, mais je vous connais des tops. Yo, jimmy, jimmy, yo, yuppie, yo, yuppie, yeah. J'ai les gros petits couillons enculés. Je suis violent sur le breakbeat. Je suis technique. Je suis ghetto comme un Greg Frick. Je suis recti. Chief rocker. Mes rebeux, mes bacs, tous mes moaka. Je suis comme une crise de lotus. Je ponce, voilà, le caca. J'ai une rive comme le l'essence de Bouddha. Oula, oula, mais vous êtes ouf. Dan est dans les airs. Je lui envoie des allées hoop. Sachez qu'on ne joue pas. Sérieusement? Ou pas. Fais tourner la loupe. On va caler tous les groupes. Rien que je te capte dans ma soucoupe. Alien, j'arrive sur terre écoutant du drain poupe. J'ai des lasers, ils en sont encore au bazooka. J'entends de la soupe. Sur les ondes sonne le gong dans la red zone. Mandingo face à des cougars. Bande de petits voyous, tous vos bails n'ont pas de sens. Ma voix fait des pas de danse sur des tas de sang. Vas-y crève, tu n'as pas de force, tu n'as pas de chance. Je vous aide, vous mes quatre lances, vous mes quatre branches, je me canalise. Pourquoi tu veux rivaliser? Je te regarde même pas mec, comme si t'étais un kiss déjà. Et une valise, les mannequins ou et je suis innocent, j'ignore pourquoi tu veux m'accuser. Et nos pur sang, attachez vos durs seins, laissez faire le pur sang, juste pour les vrais. Ouais. Qui comme à l'ancienne show, easy, je fais le truc simple, au-delà de la fiction, juste pour les vrais. On arrive sur scène en sautillant, sautillant, et on frime devant tes gars, devant tes gars. Le style arrive d'en bas, y'a que des ouf dans l'autocar. Oh, oh, on est ready pour le Niagara, parce qu'on est plus là pour gollerie. Okay. Ou tingue dans mon esprit, esprit pour tout Danny. Pirate de poire. Ambiance studio, granola tropico. Mon flow pète dur à manger trop d'haricots. Un D1I1S6Z, mon nom à moi c'est This Is. Oui, tu l'as deviné. J'y balance pas des punchlines, j'balance des crottes de nez. Au fait, ta paire de Jordan, emmène-la chez Cordonnier. Le rap c'est mieux, et puis c'est tout. Et puis le rap c'est mieux parce que c'est nous. C'est mieux que l'électro car faut pas venir de Versailles. On porte du faux Vuitton, mais on n'a pas les cheveux sales. De toute façon, chez nous, faut pas de cheveux du tout. Faut juste un pote avec une tondeuse et puis c'est tout. Le rap c'est mieux, le rap c'est mieux, le rap c'est mieux. Wesh, le rap c'est mieux, le rap c'est mieux, le rap c'est mieux. Wesh, all carry c'est mieux, wesh. Danny Dan c'est mieux, c'est mieux, wesh. J'ai que des techs, Jixel, mon frère. Révolution urbaine, savant des rimes. Kick ça, savant. Dealer, dealer, kick ça, savant. Yo, yo, ma réussite commence, démarre le compte à rebours. Les MC se rentrent dedans, non, ils se font l'amour. Tu es folle, je te dessape à ton rap man. On dirait la mort de Marion Cotillard dans Batman. Je suis toujours en bas de ça, de chaque fois que je m'évade. Je ne fais pas de faute de frappe, quand mes clips clap te claquent. On m'a proposé des plaques pour les traques que je gratte. J'ai le bras, les traques de cadre, car je fais du jeu. Je suis pas dans leur game, pourtant les MC Marcel. La haine de mon scalpel et celle de Vincent Cassel. Rien à foutre du trône ou d'avoir une Maybach. Le seul truc en or que je veux, c'est celui de Way Art. Fuck les messes basses, kick sur des caisses basses. Reste classe, alimente ma casse, mais en extase. Je suis bestial, hashtag Pegas. Poste tes couilles, kick, sinon écrasé, dégage. Maman, j'ai du lourd, je mets du plan dans ma plume. Et puis merde, tu pars d'humeur, je veux que tu dises que c'est fabuleux. Tu rappenses libre comme Barat, non t'es pas fabuleuse. À vrai dire, y'a pas de morale, c'est pas les fables. Bonjour, tu stagnes, moi je suis instable. Je te tarquille dans la surface, présumé coupable. Dealer. Il est jamais trop tard pour que tu pètes un câble. L'histoire continue, c'est la révolution acte 2. Demande à Aquino, quand je kick, moi je fais pas de filon. Viens dans ma ville si tu veux vendre du pilon par kilo. C'est 2012, j'annonce le chaos à Babylone. Le sabre est une arme, Oscar en 3 dans le stabilo. Je fais Hadara à l'ancienne, fais le AK des All Blacks. Sors le AK-47, en pleine bagarre on te plaque. Même si c'est la Saint-Valentin. Tu t'attaques et te braques, les faits divers à l'antenne. Pour mon rap c'est facile, oui j'ai le flow assassin. Voilà les Yamakasi qui viennent casser tous les magasins. En direct de Kasi, on vient raser même le cas. On arrive classique en claquette et on repart en mocassin. Je rappelle moi Sizi et je kick vite piston. Viens rapper aussi, non en bas t'écris Jig bidon, même si ton daron dit non. Moi je te bim bim au hill. C'est du Tarantino, nous on veut kill Bill Clinton. Ouais. Yeah. Ça a trouvé Marseille. Ok, big up mon frère. Kiki, ma parole. A qui de kiki? Jordan, je suis dans le. 1-1-1-1-1. Ok. 1-1-1-1-1-1-1-1. Yo, Jordan, je suis dans le jeu comme Sarko dans son palais à l'Elysée. Il ne va pas rivaliser, allez les gars, réaliser. Analyser sa DN, Dali. Dan! N'en parle plus. Vas-y, vas-y, J. On roule J. Ok, J. Donc j'y vais, ok. 1. Ok, D-I-S-I-Z. Yeah. Ok, 1. Trop frais, je reprends okay. Comme le retour du double cheese. Mon album sera 2, ce sera un double 10. Si j'avoue, la face n'est pas terrible, mais je la garde quand même. Pourquoi? Parce que tu la tiennes. Ah bah non, bah si, quand même. D-I-S-I-Z, tu me connais. Je suis là à la cool, discret comme un petit japonais. Je fais mes mouvements sous. Si tu veux du flow, je vais t'en donner. C'est la vie, yaourt. Mais si c'est pas trop fort, mon robinet. J'ai beaucoup de yaourt. Si enlève ton masque, ton rap smack, il t'est dépassé. Enlève ton jogging, ton Sergio taquine. Entre temps, j'ai voyagé, j'ai mis mon flow au parking. Pendant ce temps, t'as pas pompé, t'as fait du ranjacking. Négro, lâche-nous la grappe, mort nous le. Vas-y, marche, trouve un arbre, rappeur ou deux. MC, tu pourris le game, je crois qu'il est l'heure. Il est temps d'y aller, tu veux rester, mais ouais. Yeah, Carlito, yeah. Gros, on débarque, barbare. PT, switch, me tape des barbares. Moi, barbare, comme dans les barbares. Tu capes Nari, on va te graille. Tasmanie brigandé, excellé d'XCD sur TCD, mec DCD. T'inquiète aussi, en jeu en PCV. Déféré, le rappeur de ta bitch préférée. Classique au junk en conféré, pour toi en mani. Le mani mani mandé moi. Depuis mani mani mal, c'est l'art du flow. Oh, Ferraris, rap du can caniveau. On visera pas les pneus en quadrivo. Shitcock, extra, oui, pour toi y'a ça. Gilles Scott, héroïna, Impala. Dans les rues de Crenshaw, Marseille ça craint chaud. Beaucoup plus encore que ce qu'il raconte aux infos. Avis aux rappeurs et aux rappeuses qui pensaient avoir du buzz. Yeah. L'ovni de Mars sera à l'heure. Cheval de Troie va faire sauter ta gagneuse. Yeah. Yeah. C'est Marseille. Yeah. Sans revue. Balance. Yeah. The Magic. Yeah. Savant de rire. Ok. Ok. Yeah. Yeah. Yeah. Elle est pour moi. Yeah. Okay. Yeah. Elle est pour moi. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Que mes proches me pardonnent. Tous les futurs darons cherchent des darons. Madone, tous nos pilotes pilonnent. Les autres pivotent, mitonnent. Chicago dans le cigare, hashtag Capone. Passer l'état, fait des blagues et fin de pas. Terrible, les arabes et les blagues et les vagues et vagues de bactéries. Aux yeux de l'état, on a de la place que dans les délits. Royal ways me, hashtag Balotelli. Beaucoup de coups de sous en douce et pouces de bouche trop loin. Je la goule douce, nous laisse dans le route et disent qu'on est bon à rien. Tous les loups voient rouge, c'est l'Amazonie, y'a pas de money. Affaire Bétancourt, hashtag Sarkozy, hashtag folie. Chaque couplet que j'écris, c'est un coup de boule victorieux, hashtag Broly. Technico légendaire, hashtag Rony. J'tape dans un sac de viande, hashtag Rocky. Boxer dans l'attitude, virez-moi les mythes, on raconte sa vie dans des pseudos. Hashtag Twitos, télé-réalité, dites à tous que c'est du pipo, ça fait allô, allô, hashtag des pilos. Hashtag. Hey yo, hashtag. Hashtag. Let's. Jordan, j'suis dans le. Ok, yo, nos big o' mic. Ok, yo. Dans mes écrits, je fais pas de détails. Normal, je t'écrase si t'es pas de détails. N'avance pas rétrograde, t'auras pas d'autographe. J'ai des phases de trop crade, y'aura pas trop programme. Les gars, parle de grammes, y'aura falle de balles. Y'aura trop de drames, vu ma frappe de balles. J'ai des tas de photographes, je connais pas de photographe. Si t'as kiffé mon titre, je t'en veux pas un photographe. C'est de la photographe, s'il y a pas d'orthographe. Numéro 10, lyrical, chorégraphe, rap. Gore, c'est mon trip, si le hardcore est rare. Sors de la street, pas d'une Porsche Carrera. C'est juste un départ ou un pas dans le biz, je m'en fous des regards rouges, j'ai pas le temps d'être triste. C'est dans ton encéphale que mon talent s'étale. Faut que ton encéphale de mon talent en métal. Yeah, sans yeah. Trouver le mal, c'est frère. Cotenet, tu vas ou quoi? Ici, tu vas? C'est toi. Ok. Ok, désolé, je vais pas vous dire que mon rap est magique, ni que je vis de tragique, ni que ma vie est tragique. Je ne dois pas. J'ai oublié. Le truc est simple. C'est dingue. Yo, Jordan, je suis dans le jeu comme Sarko dans son palais à l'Elysée. Ils ne peuvent pas rivaliser, allez les gars, réaliser. Analyser Stalien, viser Stalien et Taïenne. Et j'ai des gars avec moi prêt à dégainer. Je suis un Mac, je radote, mais qui tu connais comme moi, mais je leur paye pas de verre. Elles boivent la capote, pas un délinquant, mais je vis hors la loi. Et j'en ai absolument rien à battre, comme un chien qui chie devant toi. Yeah, parfois seul, parfois j'avance en horde. Ça sent la poudre à canon, la nouvelle frag en vogue. Jordan, j'arrive à me gazer, j'ai vite serreur. Mais comme beaucoup devant ma glace, je me dis que je suis terreur. C'est comme ça, Guillaume. This is Quadnet. Yeah. Ok, on continue ou quoi? Ok, une petite dernière. Une petite dernière. Ok, une petite dernière. Ok. 1. D-I-S-Z. D-I-S-Z. Transmission, c'est l'album. 1. Désolé, non. Non, c'est pas magique. Celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est boule dans la gorge, c'est de la rage en fusion. Mes yeux pleins d'illusions, les leurs pleins d'allusions. Il n'y a qu'à pas du IOA, sa bouche, pas d'un iota. L'amour est mis au pâte, la haine m'a mis au pas. Et on s'y habitue comme un plat de pâte. Au sous-entendu, on dit pourquoi te battre. À quoi servent les études, on veut pas droite. Sous les plafonds de verre, on marche à quatre pattes. Touché par des phrases et des regards de haut. Des mois te poignées de main, t'as jamais le dernier mot. T'es parano, la suite, son corollaire. Ton discours est victimaire, tu cèdes à la colère. Hier, encore hier, des frères, la nuit entière, sont finis à la bière, assis à l'arrière. L'avenir enfermé dans des logiques mortuaires. Des coins sombres et puants, érigés en sanctuaire. Car si tu connais que la merde, tu seras fier de la merde. Tu en feras ta valeur, la portera en streetwear. Ils sont comme des ordi, privés de cartes mères. Les frères ont du cœur, mais n'ont pas le software, des envies d'allumer le feu, le vrai, pas là l'idée. Nos gosses vivront comme nous, on se fait mal à l'idée de cette adolescence qui traîne aux Champs-Élysées. Samedi nuit blanche en bande désorganisée, le nez sous des enseignes au bonheur banalisé. Par les lumières attisées, les cœurs veulent dératiser. Les cœurs démagnétisés veulent tout monétiser. Pas les champs mais le palais, c'est là qu'il faudrait viser. La révolution ne sera pas télévisée. Un jour les élites seront scandalisées. L'humiliation est puissante, elle peut galvaniser. Des millions de gamins aux rêves subtilisés, comme le logo de PI. Je suis toujours visé. Pourtant c'est pas de ma faute à moi. Je suis comme Alizé. C'est pas de ma faute. Hey yo, qui vivra verra. Une belle éthiopienne d'Addis Abeba. Madrid, Paris, la nuit, place de l'Opéra, Venise. Je ne verrai jamais Byzance, mais j'aurais vu Obama. J'écris ça sur ma terrasse, dans mon pyjama. J'aurais préféré connaître Patrice Lumumba Kusama. J'aimais bien JR, mais Bobby serait mon frère. Si à moi qui tu connais comme moi. T'es unique, me murmura Farida. Juste après son coït, j'ai répondu épouse-moi. Cœur sensible, Dan, la sincérité c'est moi. Yo, on fait comme ça. Dani Quel poète. Je suis resté le même, je n'ai jamais changé. Je suis ce petit enfant au grand cœur qui est en danger. Je suis en train de déranger, mes rêves refusent de les ranger. Oui, je fous le bordel, n'est-ce pas le rôle d'un étranger? J'essaye d'évoluer, au contraire de ce pays. Prône la paix, pourtant je porte encore des treillis. Que Dieu vous bénisse, des synagogues aux églises. En passant par les mosquées, je rêve d'un monde métis. Beaucoup de supplices, l'État en est complice. Vous nous traitez de marteaux, mais c'est vous qui avez les vices. Et on garde le sourire, nos joues servent à sécher nos larmes. On a posé les guns pour pouvoir sortir nos armes. Et on reste calme face à toutes ces folies. Pour nous cette vie est fausse comme un billet de Monopoly. Quelle que soit leur croyance, tous mes frères prient. Car on a compris qu'il faut mériter le paradis. Autant du berger face aux brebis égarés. Au pays du coq, tous les képis crèchent au poulailler. À croire que les États s'unissent pour mieux nous manier. Pendant que ceux qui nous dirigent crient Ben Ali, Bomaye, Marseille, capitale de la calache russe. Braquage, arme, arnaque, Dallas, pute. Barrage, ham, ça gratte la carte à puce. On se croirait à Gaza en matant Canal Plus. Les mafias d'Asie, les bandes organisées. Les Roms veulent légaliser le vol d'organes, tu sais. Le skin, c'est les nazis, font leur bail discret. Le shit et l'extasie t'emmènent à Walt Disney. Les écrits des journalistes, tu glisses. Que si t'es Souraya Bon Ali, le fils te surveille, demande à Mélanie. Ton fils sera victime d'une anomalie. Ouvre les yeux, mon ami. Une femme nue en Roumanie, des détenus au Mali. Des guerres et des manifs, un peuple nourri au maïs. Ici, ça fume la weed, personne joue à la oui. Que des guns et des calibres qui tirent pour fêter l'Aïd. Tu cheese, tu smoke, époque no life. Tu sniffes la coque tout en sachant que la drogue t'aura. Bernard Tapie pour sauver le championnat. De Marseille à Manchester, demande à Cantona. Au chômage avec un doctorat. Tu seras pas la mère de mes gosses si tu mets du gloss, connasse. Un salaire en toc face à ton boss, gros lard. Tu veux faire le tour du globe, faut que tu bosses, connard. Quand Lucien fait toc-toc face au gosse normal. Soit disant c'est notre faute, vas-y poste ton art. J'écris sur mon bloc-notes ce qui cause ton mal. Ce que je raconte, je l'ai lu dans le journal. Révolution culturelle. Fais du bruit. On avait Old Carry avec un morceau de la Provence, un petit bout de la Provence. Exactement. À l'instant. Révolution urbaine. Révolution urbaine. Allez écouter ce morceau. Allez écouter ce morceau. Ouais, c'est un des conseils de DC's, mais voilà. Non, vraiment. Et donc, voilà, donc autour de table, excuse-moi, j'étais interrompu. Donc il y a trois choses à faire. Il faut aller cliquer sur internet le clip de Deglingos, ouais, de All Carré et Danny Dan, qui était là. Aller cliquer le clip de la Provence de Révolution Urbaine, et hashtag de Savant des Rimes. Voilà, et je vous conseille de suivre ces artistes. Moi en tout cas, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Et bon, on va les retrouver dans un instant pour faire le petit dernier tour de table, mais juste avant, et avant de se quitter, on finit avec un morceau de DC's et Kamikaze. Kamikaze, c'est le morceau avec lequel on a ouvert l'émission. Bah oui, et mets le fort dans le studio s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais, Couplet. Tu dis que ton patron c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais pas ce qu'il te cache. C'est que ses supérieurs lui font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine tu contiens ta haine. Comme un kamikaze tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z-E K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça tu veux pas danser? Et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC. Saute pas. Doucement. Saute pas. Eh hey. Et mon cul, c'est du KFC. Hein? Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Je suis un peu zinzin. Nabi. Je suis un peu zinzin. Un peu zinzin à l'instant pour conclure ce morceau Kamikaze. Ouais, et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC, il aurait pu s'appeler comme ça en effet le morceau. Merci à DC's, merci, on va faire le tour de table rapidement à Oulkari, Danny Dan en effet qui est là avec nous. Ils sont encore là, bah oui, Dan est là. À Savant des Rimes. Histoire de dire au revoir. À la Révolution. Comme on a bien dit bonjour. À la Révolution Urbaine qui était là aussi, qui venait tout droit de Marseille. Danny, merci d'être passé ce soir. À la régulière, mon frère. À la régulière. Et donc le projet qui arrive le 12 mai. Jeep est dans le coin, quoi de neuf, Jeep. Yo. Le 12 mai, ça arrive, votre album en commun. All Carry, Danny Dan. C'est ça, le 12 mai. Le 12 mai, on a le premier single qui vient de sortir, Deglingos. Et surtout, demain, on est au Bataclan. Demain, on est au Bataclan, première partie de DC's. Il nous fait un alley-oop. On essaye de se matcher, mais juste après, il prend tout le match. Il s'agit que de ça, yo. Bon, merci à vous d'être passé. En tout cas, merci à Savant des Rimes aussi qu'on guettera en 2014. Oui, merci beaucoup. Demain aussi, en première partie au Bataclan. Ah, bah, il va y avoir du monde en première partie. J'aime pas le mot première partie. C'est pas une première partie, c'est un partage de scène. D'accord. Avec des gens que j'aime bien et des projets que j'aime vraiment. Que tu veux dire. Et j'ai entendu le projet de All Carré et Danny Dan. J'ai entendu 4 ou 5 titres. Mais c'est pas du violon. C'est du lourd. Vraiment. Du rap qu'on aime. Comme on aime. Comme on veut entendre. Ah ouais. Non, c'est All. Deux. Bien sûr. Ouais, c'est deux. En tout cas, c'est la suite. C'est le retour. C'est le retour. Tu vois. Il n'y a pas vraiment de nom au niveau. Le truc est simple. C'est comme le premier single, il s'appelle Deglingos. Et le Deglingos vient du. Regarde, tu sais quand on... Écoutez-moi, je vais pas parler, le mec il rigole. Je te garantis. C'est dire quand tu reçois un instrument quand tu reçois un instrumental d'un producteur, le mec soit il peut mettre le instrument numéro 1 2 3 ouais, ou il donne un petit nom. Alors il donne un nom. Il vient un nom et là c'était Deglingos et on a dit ouais. Ah, okay. Deglingos validé. Ça correspond. Et qui a fait la prod de Deglingos? C'est Dave Devry. Bravo. Bravo, Dave, c'est vrai. Mon poulet. On a dit Déglingos, c'est cool. Viens, on reste avec Déglingos. Et ben, on guettera donc non seulement Déglingos, mais le projet qui sort le 12 mai prochain. Merci à la Révolution Urbaine qui était là aussi. Nos amis marseillais étaient là. Allez cliquer La Provence. Leur album arrive en. Le 5 mai. 5 mai. 5 mai, sortie de Cheval de Troie. Voilà, le 5 mai. Ok, cool. Cheval de Troie. Et ben voilà. Et ben, on fait tourner rapidement la roulette. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Avec Justine de Rennes. Salut Justine. Ça va bien Justine? On va faire vite tourner la roulette parce qu'on t'entend très mal Justine. J'espère que ça n'a pas coupé encore. C'est festival de coupe en ce moment. Quand tu veux tu dis stop Justine. Est-ce qu'elle est là? Ah non, je pense qu'elle est partie. Donc je vais bloquer pour elle la roulette. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'allais dire ça? Ma femme elle appelle tout le temps, jamais on la rappelle. Et elle s'appelle pas Justine? Non, elle s'appelle Sarah. Ah, donc c'était pas elle. Non. C'était pas elle, désolé. Mais en tout cas, Justine a repart avec ses 5 places pour Captain America. Merci DC's en tout cas. Merci, merci à toi. Et on se refile rencard juste avant le Bataclan demain entre 20 et 21. Avec plaisir. Ciao, ciao. À demain. Ciao, on va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là. Ouais, ouais. Connecté avec toute l'équipe de la Radio Libre. Allô, allô. Allô, allô. Connexion effectuée. Ah, connexion effectuée, de retour. Connexion effectuée, c'est comme dans un vaisseau spatial Skyrock un peu. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. 8. Ça y est. Dans le vaisseau spatial d'ici et de retour demain. Tu reviens dans le vaisseau de oui. Planet Rap, toi. Exactement. C'est en ça. Tant que Capitaine Kirk. Ouais. Tu seras le capitaine de Planet Rap avec le général Fredo. Spock. Voilà. Le commandant. Le commandant Spock. Très bien. Bon, D-Fool, on t'a retrouvé. Ils t'ont libéré. Va falloir te refaire les oreilles, Fredo. Oui, ouais, j'en ai quelques. J'ai d'autres choses de pointues, mais les oreilles, oui. Oui, de retour. De refaire. Alors, on me demande si j'ai gagné le concours de Miss Univers, comme a dit parce que Romano ce matin. En effet, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'étais à New York ce matin. Donc c'est j'ai très peur. Moi, je pensais qu'il tentait un putsch. Il m'avait enfermé dans la cuisine. Je t'ai entendu, Fredo. Et qui prenait le contrôle. Oui, j'ai entendu. Ce matin, j'étais pas là pour le manger. J'ai eu très peur de cette excuse, mais non, tu étais donc. C'est la première fois où je suis pas là pour une émission, Fredo. Magnifique. Ça mérite une médaille. Je tenais à le dire, mais c'était quand même pour le concours de Mister Univers. Oui, donc tu as fait l'aller-retour Paris, New York, New York, Paris. Paris, New York, New York, Paris. Je vous ramène un très beau titre de Mister Univers. Beau gosse, quoi. Voilà, exactement, Cédric. Et on sait que tu as du goût. Ah, bah, grave, attends. C'est sûr. Ça, tout le monde le sait. Il est connu pour ça, ouais. Bah, attends. Non, mais prends ma gueule. Moi, ça m'a fait plaisir d'écouter Skyrock le morning, de t'écouter juste derrière, Fredo. Vous avez profité aujourd'hui, c'était sympa. Écoute, parce qu'à New York, on écoute beaucoup Skyrock. Hein. On est devant Hot 197. Largement. Facile, attends. Largement. Et demain, d'ici à New York, le carton, tu vas voir. Carton plein. Ouais, demain soir. Donc, 20h, juste avant 20h, ça démarre. C'est Planet Rap. Nous, c'est parti. Merci pour tous les messages que vous envoyez, ça fait plaisir. Et donc, on est de retour jusqu'à minuit avec toute l'équipe qui est là. Marie, ah ouais, Marie vient d'arriver. Samy est là. Yes. Cédric, bon, on peut pas le louper, vous l'avez entendu. Hein. Ouais, moi, j'étais en face de moi, on le voit. En face de toi, tranquille. Karim, Romano, alors on le cherche parce qu'il est tout petit, mais on va le retrouver d'ici quelques instants. Sous la table, peut-être, non. Et puis Momo, et puis surtout vous tous et vous toutes, allez-y. Vous avez écouté Planète Rap, restez bien sur Skyrock, la radio libre arrive. Oui. Avec Marie qui rime, et tu es ivre, Marie, non. T'as pris l'apéro, quoi, oui, je crois, ouais. Elle est couchée sous la table. Même pas, mais non, mais parce que. Affalée dans sa chaise. Il y a 4 heures que je cherche une chaise et j'en ai trouvé une, regarde, j'ai le menton sur la table. Vous me trouvez pas petite, là, peut-être. C'est bien comme ça, quand t'es défoncé, le menton, la tête tient toute seule. Génial, super. Je crois donc que tu as retrouvé ton équipe au top. Voilà. J'ai envie de dire. Oui, on va voir ça toute la soirée. Il y a Chris Cab qui vient aussi ce soir, on en parlera de Chris Cab. Grosse soirée. Demain, on aura des footballeurs dans l'émission. Une bonne nouvelle à tous les sportifs qui nous écoutent, à tous les fans de foot qui nous écoutent, des gros footballeurs. Waouh. Demain soir. Attention, Samy, dans la radio libre. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens, là? On verra qui va peut-être. C'est peut-être Mandanda qui vient nous faire. Ah, ça ferait plaisir, putain, ça ferait plaisir. Ah, on sait jamais, hein, peut-être. Oula, ah non, c'est pas Mandanda. Apparemment, ça vous fait rire. Je sais pas. Gignac. Apparemment, c'est pas lui non plus. Non, mais vous en dirai plus. Soyez là sur Skyrock. Restez là avec nous, on arrive tout de suite. La radio libre démarre avec Joule, gros son de Sky, découvert ici. Et de Marseille, tu vois. Ah, ça va. Et voilà, on est oublié Marseillais. Joule, c'est parti pour Dans ma paranoïa et la radio libre aussi. Allez, à demain, Fredo. Ciao, ciao. Ciao, Fredo. Radio libre, on y va.